est envoyé de là-haut, où tout est cadeau. Oh, oh, oh. Oh, tout est cadeau. Tout est envoyé de là-haut, où tout est cadeau. Oh, oh, oh. Tout ce qu'on possède ne nous appartient pas du tout. On en veut toujours un peu plus, par-dessus tout. Insatisfaits, nous le sommes chaque jour. Mais seul espoir, amour. Oh, tout est cadeau. Tout est envoyé de là-haut. Oh, tout est cadeau. Oh, oh, oh. Oh, tout est cadeau. Tout est envoyé de là-haut. Oh, tout est cadeau. Oh, oh, oh. Souriez à la vie afin qu'elle vous sourie. Et ne la regardez pas de trop haut. On est là de passage pour quelques décennies. Amusez-vous de tout. Oh, tout est cadeau. Tout est envoyé de là-haut. Oh, tout est cadeau. Oh, oh, oh. Oh, tout est cadeau. Tout est envoyé de là-haut. Oh, tout est cadeau. Oh, oh, oh. Tim adap tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim. Tout est envoyé de là-haut, oh, tout est cadeau, oh, oh, oh. Oh, tout est cadeau, tout est envoyé de là-haut.